La transcription de propos vibratoires. Donc, j'ai choisi d'aborder ce sujet maintenant, étant donné qu'il y a des gens qui, sur Internet, vont faire la transcription de propos qui ont été tenus à l'oral, donc à partir d'enregistrements audio, et ils vont transcrire ces propos-là à l'écrit. Donc, ça peut être intéressant de prendre quelques instants pour faire l'étude des implications énergétiques se rapportant à cette activité. Dans le sens que si on parle de propos vibratoires ici, donc des propos qui sont le résultat de la canalisation de l'esprit, donc c'est des propos qui sont chargés d'une énergie particulière à la différence de l'énergie astrale. Et c'est sûr que si, par exemple, une personne qui commence à s'intérioriser fait de la transcription de propos à caractère vibratoire, ben, ça peut être intéressant pour elle parce que ça va la mettre en contact avec l'esprit. Ça peut faire écho à une réalité qu'elle porte en elle. Puis aussi d'être imprégné de la vibration d'une personne qui canalise, ça peut avoir un effet dynamisant par rapport à elle. Ça peut l'amener dans l'immersion dans une vibration. Ça peut avoir un effet de loupe, dans le sens que avec une loupe, par exemple, on va regarder quelque chose et ça l'amplifie. Donc, si par exemple, on écoute un enregistrement audio et on va transcrire les propos, ben, ça va amplifier, dans certains cas, la perception vibratoire qu'on peut capter des propos à travers un phénomène d'appropriation des propos à travers le texte et d'intégration en profondeur de ceux-ci en les transcrivant. Donc, on prend le temps de décortiquer qu'est-ce qui a été dit. C'est comme si la vibration qui a été prononcée pendant quelques instants, donc si on le transcrit, c'est plus long. Donc, il y a comme un phénomène qui s'installe de décantation des propos pour en faire une intégration au fur et à mesure qu'on effectue la transcription. Donc, autrement dit, ça peut favoriser une intégration à son rythme de certains propos vibratoires qui, dans le feu de l'instant, n'ont pas été totalement absorbés d'une manière instantanée. Dans le sens que si, par exemple, la personne qui canalise l'esprit parle quand même assez rapidement, il est possible que la personne qui écoute l'enregistrement ne capte pas d'une manière instantanée chacun des propos de ce qui est dit. Alors que quelqu'un qui prend son temps pour les transcrire d'une manière méticuleuse, ça favorise l'approfondissement, une plus grande compréhension, une plus grande clarté dans la captation de la vibration, de qu'est-ce qui est dit, parce que la personne prend le temps de s'y arrêter puis de l'intégrer à son rythme. Donc, ça favorise une intégration personnelle qui peut être plus approfondie, mais aussi la transcription peut générer un phénomène de dynamisation interne. Donc, quelqu'un qui, par exemple, commence à vivre un processus de conscientisation qui altère sa psyché, de percevoir quelqu'un qui vit cela et qui parle, ben, ça peut favoriser et amplifier ce qu'elle capte intérieurement à travers la mise en contact avec un enregistrement audio de quelqu'un qui capte des choses aussi. Donc, ce que la personne dit à l'oral peut faire écho à ce qu'elle porte en elle. Donc, ça peut favoriser, dans certains cas, l'appropriation du fait que la personne est en contact avec une vibration. En étant en contact avec la vibration d'une autre personne, et ça peut servir éventuellement de tremplin pour que la personne en vienne à parler aussi. Parce que le travail de la vibration, dans un premier temps, ça peut être un travail d'intégration plutôt passive. La personne reçoit, par exemple, la vibration qui est prononcée à voix haute par une autre personne. Et par la suite, c'est sûr qu'éventuellement, l'être humain qui fait cela va être appelé pour émettre cette personne-là une vibration aussi. Parce qu'il faut qu'elle vive le côté actif en plus du côté passif, parce que quelqu'un ne peut pas juste percevoir la vibration des autres puis l'intégrer à travers des transcriptions parce que c'est limitatif. Il faut éventuellement que la personne soit capable de générer elle-même une vibration puis de l'exprimer par la parole. Mais c'est sûr que temporairement, de transcrire des propos vibratoires peut avoir une utilité. Dans le sens que si on perçoit des propos vibratoires de d'autres personnes, ben ça peut nous faire réaliser que si on entend une personne qui parle d'une manière vibratoire, c'est parce que quelque part, ça fait écho, ça nous met en vibration intérieurement, c'est parce qu'on porte aussi à l'intérieur de nous-mêmes cette capacité de s'exprimer ainsi. Donc, ça peut favoriser une dynamisation de la personne pour s'approprier son propre potentiel pour éventuellement parler sur la vibration. Donc, c'est sûr que la question de transcrire des propos, pour moi, c'est quelque chose de temporaire, c'est quelque chose de transitionnel dans la vie d'un individu, parce qu'éventuellement, l'individu doit lui-même exprimer sa vibration. Temporairement, ça peut dynamiser. Moi, personnellement, il y a quelques années, j'avais déjà fait de la transcription de certains propos prononcés par Bernard de Montréal. J'avais fait également des synthèses en lien avec, avec un enregistrement, entre autres, que j'avais écouté de lui. La première entrevue qu'il avait accordée à Richard Glenn en 1977. Donc au début, quand je commençais à découvrir ça, pour favoriser l'appropriation, la compréhension, l'approfondissement, j'avais fait des transcriptions partielles, j'avais fait une synthèse aussi de certaines idées qu'il aborde. Donc ça fait partie du processus d'intégration d'une vibration. Je t'ai mis en vibration par rapport à son matériel parce qu'en réalité, mon esprit cherchait à attirer mon attention sur lui pour que éventuellement je parle moi-même et je le canalise. Donc autrement dit, on peut être mis en vibration pendant un certain temps de notre vie pour transcrire du matériel de d'autres personnes, parce que l'esprit cherche à attirer notre attention sur une autre personne qui parle pour tranquillement nous faire accepter, normaliser dans notre psyché le fait que nous autres aussi, on peut parler. Donc autrement dit, si on voit quelqu'un qui parle, ça peut servir de modèle temporaire pour nous amener à réaliser que nous-mêmes, on est porteur d'une parole. Puis le simple fait d'être dynamisé par une parole qu'on entend, qui est vibratoire, puis d'être capable de le capter puis de l'intercepter psychiquement, doit nous faire réaliser que si ça fait écho à une réalité à l'intérieur de nous, c'est parce qu'on porte ça en soi, sinon ça ne nous intéresserait pas du tout. Donc voilà l'utilité de la transcription. La transcription, ça peut servir à intégrer une vibration véhiculée par une autre personne qui fait écho à notre esprit, puis éventuellement nous dynamiser, puis nous amener à connaître une communication interne avec notre esprit, puis éventuellement aussi de la canalisation à haute voix. Et c'est sûr que le phénomène de la transcription a des limites aussi, parce que si on est continuellement imprégné d'une vibration d'une autre personne, on ne vit pas en fonction de soi. Parce que lorsqu'on transcrit les propos d'une personne, si on s'immerge dans son énergie, on n'est pas dans son énergie, on n'habite pas ses souliers, on est dans les mocassins d'une autre personne. Donc, c'est pas confortable énergétiquement parlant, c'est pas viable, parce que chaque être humain a un taux vibratoire qui est unique. C'est sûr que si le taux vibratoire de la personne qu'on transcrit les propos est plus élevé que le nôtre, oui, ça peut nous dynamiser, parce que toucher une vibration qui est plus haute, ça peut être vitalisant. Par contre, ça a ses limites, parce que quelque part, il ne faut pas mettre non plus l'autre personne sur un piédestal, puis éventuellement, il faut rehausser sa vibration pour que la nôtre devienne plus haute. Puis éventuellement, l'être humain, il y a un adage qui dit « le maître doit être dépassé, l'élève doit dépasser le maître », devrais-je dire. Donc, c'est sûr que c'est un langage ancien, là, mais je veux dire, c'est que l'être humain qui capte la vibration d'un autre doit réaliser qu'éventuellement, il doit rehausser son taux vibratoire pour l'égaliser puis aller plus loin dans son évolution. Donc, il ne doit pas s'arrêter à la vibration d'une autre personne parce que sans ça, c'est limitatif. Puis aussi, ça fait en sorte que l'être humain, en étant imprégné de la vibration d'un autre, il est dans l'antiphasage par rapport à lui-même. Dans le sens que si on pense, par entre autres, au domaine du théâtre, vous avez des acteurs qui vont interpréter des personnages. Donc, si c'est un personnage historique qui est interprété par quelqu'un dont l'acteur va transcrire ses propos, va transmettre ses propos à travers son jeu. Donc, c'est un petit peu la même chose pour la transcription. Si on interprète un personnage historique, ça se peut que ça soit dynamisant à une certaine époque, mais éventuellement, si le personnage était au Moyen Âge, puis là, on est rendu à une époque beaucoup plus moderne, dans une société avec un taux vibratoire plus élevé, c'est moins vibrant que ça pouvait l'être au Moyen Âge, les idées qu'il peut générer. Et c'est la même chose. Si quelqu'un s'arrête sur une personne qui transcrit, puis juste transcrire celle-là, éventuellement, il y a une stagnation énergétique qui s'installe. Donc, parce que la personne s'associe à un autre. C'est sûr que si la personne est décédée, puis la personne qui était l'auteur d'enregistrement ne génère plus de nouveau matériel à la surface du globe, puis c'est juste de transcrire ses anciennes mémoires, ben éventuellement une stagnation énergétique parce que la personne qui génère les propos faisant l'objet de la transcription ne peut plus en générer d'autres, qui est adapté à l'ère du temps. Donc, des propos très ajustés aujourd'hui qui ont pu être prononcés par un initié il y a quelques années, ça a encore une pertinence. Par contre, éventuellement, ça va être en déphasage avec la civilisation, au même titre que les propos qui ont pu être tenus par des gens dans le passé. Donc, toute chose change, évolue, s'ajuste. Puis, il y a des nouvelles personnes aussi qui vont venir dans l'avenir pour générer des propos nouveaux qui vont être davantage en phase avec la société pour permettre toujours à l'humanité d'aller plus loin dans son intégration, sa compréhension. Mais pour ce qui est des acteurs, parce que le transcripteur se met en position quelque part, un peu comme un acteur, d'être imprégné de la vibration de celui qui a généré les propos, ben, si on regarde un acteur qui va jouer le rôle d'un personnage historique, ben, il s'imprègne de sa vibration, puis ça c'est pour le meilleur et pour le pire. Donc si c'est un héros, ça peut être extrêmement agréable, mais si c'est un zéro, si c'est un criminel, si c'est quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale lourds, donc si la personne fait interprète un personnage qui est dépressif fortement, puis la personne interprète ça pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, ben en s'imprégnant de cette énergie de l'individu qui était dépressif dont on en fait l'interprétation, si on se connecte psychiquement à son essence, puis on s'ouvre à lui pour s'en imprégner totalement, ben on peut vivre un phénomène de possession énergétique par l'autre personne, ce qui fait en sorte que la personne peut éventuellement devenir dépressive. Donc la personne joue tellement bien son personnage en tant qu'acteur qu'elle devient dépressive elle-même. Puis là, l'acteur, il faut qu'il soit traité avec des antidépresseurs par la suite parce qu'il a été trop imprégné par le personnage. Si l'acteur est très ouvert au personnage, ben qu'est-ce qui arrive? C'est qu'une entité astrale à la vibration du personnage va la pénétrer puis elle va être habitée par ça. Par contre, le contraire est possible aussi. C'est-à-dire que si la personne est imprégnée d'une personne qui génère une vibration supramentale et cette personne est un initié, ben, éventuellement, la personne est imprégnée par la vibration de l'initié. Puis ça peut participer à changer son taux vibratoire. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que la personne doit devenir autonome, ne doit pas vivre en fonction d'un autre individu à l'extérieur d'elle parce que ça la garde dans une position de dépendance, puis elle doit générer elle-même une vibration pour être capable de transcrire le réel qu'elle porte en elle. Et c'est la finalité de la transcription. Donc, autrement dit, l'esprit qui va se manifester dans la conscience d'un individu qui en est le canal va vouloir s'exprimer à travers lui. Puis à mesure que la personne augmente son taux vibratoire, puis à mesure que l'esprit en elle va vouloir s'exprimer, ce qui va faire qu'éventuellement que la personne qui transcrivait passivement les propos de d'autres personnes va chercher à en émettre elle-même créativement. Ça fait partie de son évolution naturelle, normale. Puis pendant ce temps-là, il est possible que d'autres personnes s'intéressent à la transcription, qui vont prendre le relais pour la transcription de certaines personnes, ou qui vont transcrire les propos de l'ancienne transcriptrice, parce que la vie, c'est une chaîne évolutive. Il y a des parents, il y a des enfants, et ainsi de suite. Donc l'évolution est constante, l'évolution est continuelle. Puis de transcrire des propos, ça peut faire partie du processus de développement d'une personne, mais c'est une étape, c'est pas une finalité. C'est pas un aboutissement. Ça peut être un passage temporaire. C'est pas nécessairement obligatoire, mais ça peut être temporaire puis utile pour certaines personnes de s'imprégner de la vibration d'une autre qui est canalisée pour les amener à accepter le fait qu'elles peuvent elles-mêmes générer une vibration. Puis le simple fait de percevoir la vibration d'une autre personne qui est générée par sa parole ramène au fait que le semblable n'est connu que par le semblable. Donc, pour que quelqu'un soit efficace pour transcrire les propos d'une personne, il faut qu'à quelque part, elle soit elle-même branchée sur la même source, c'est-à-dire l'esprit. Donc, si c'est des propos qui proviennent de l'esprit, la personne doit être en contact avec l'esprit pour être capable de comprendre d'une manière adéquate la personne qui transmet des propos verbales qui proviennent de l'esprit pour être capable, éventuellement, d'avoir une intuition en relation à ce que la personne dit pour même ajuster son texte dans l'esprit qui est derrière les propos. Autrement dit, il en vient un point qu'une personne peut être tellement imprégnée par un communicateur à l'oral que la personne peut être capable de compléter des phrases que la personne s'exprimant d'une manière verbale, qui passe parfois d'une idée à l'autre, n'aurait pas complétées. Dans le sens que quelqu'un, verbalement, peut commencer à dire quelque chose, puis à un moment donné, il perd le fil, puis il passe à autre chose. Si la personne qui transcrit les propos a une sensibilité de captation de ce que la personne dit, puis est capable de se brancher à l'esprit, ben, elle va être capable de finir une phrase qui avait été commencée par une autre personne. Puis arriver parfois même à, comment dire, ouais, il peut y avoir une complémentarité qui s'installe, dans le sens que la personne peut anticiper qu'est-ce que la personne va dire en complétant sa phrase. Parce qu'elle va être capable de capter l'idée qui est derrière le propos en se branchant sur la même source qu'elle. Donc, un phénomène de branchement psychique qui peut s'installer entre la personne qui parle à voix haute et entre la personne qui fait la transcription des propos. Donc, les deux peuvent se brancher sur la même essence énergétique au même titre que l'acteur peut se brancher sur l'entité qui a déjà vécu sur Terre dont il fait l'interprétation, par exemple, de sa vie. Donc, si la personne s'imprègne de l'essence d'une personne qui était maniaco-dépressive, éventuellement, elle peut devenir elle-même maniaco-dépressive, étant fortement imprégnée de sa vibration. Donc, il y a des phénomènes qui peuvent se produire en relation avec ça, d'où le fait que de faire du théâtre ou de la transcription à répétition, c'est extrêmement délicat parce qu'il y a des implications énergétiques associées à cela. Parce qu'une vibration qui est dégagée par une personne a de l'impact sur son aura. Donc, autrement dit, quelqu'un qui transcrit les propos d'une personne, ça a un impact sur sa structure d'énergie parce qu'elle est en mode absorption de son énergie. Ça a certains enjeux. Et c'est sûr que la transcription, ça a son utilité, bien sûr. Il faut voir ça comme étant ni bon ni mauvais. C'est tout simplement mettre les choses en contexte. C'est un petit peu comme un couteau. On peut se servir d'un couteau pour mettre de la margarine sur une tranche de pain, mais le couteau peut aussi servir pour blesser une autre personne et mettre sa vie en danger. Donc, tout est à double tranchant. Les effets d'une transcription, ça peut amplifier un mouvement vibratoire. Donc, c'est sûr que si c'est de la transcription de propos qui sont très vibrants, bien, ça peut favoriser une dynamisation dans le sens de suivre de plus en plus son esprit si les propos proviennent de l'esprit. Mais si c'est des propos qui proviennent de l'astral, puis d'entités négatives, bien, ça peut faire en sorte que la personne devienne éventuellement imprégnée de cela et chevauchée de l'astral, c'est-à-dire par les mêmes entités qui ont chevauché la personne qui a prononcé ces propos. D'où les limites associées aux transcriptions. Donc, on peut avoir un phénomène de rehaussement vibratoire qui est favorisé par ça, au même titre qu'un phénomène aussi d'abaissement vibratoire si la personne n'y prend pas garde. D'où l'importance du discernement par rapport à qui ou quelle personne on transcrit ou quelle personne on va jouer le rôle au théâtre ou non. Mais c'est sûr que quelqu'un qui est très avancé en conscience de ma compréhension ne sera pas intéressé de jouer des rôles au théâtre qui sont variés parce que ça va l'imprégner de différentes vibrations puis il y en a des vibrations qui sont plus lourdes. Quelqu'un qui est très sensible ne sera pas intéressé à s'imprégner d'une vibration qui est très lourde parce qu'il va chercher à respecter sa sensibilité et puis il va en souffrir très rapidement de cela, étant donné sa grande sensibilité, sa grande perception de l'état énergétique qui est bas et qui est nuisible. Donc, plus qu'on perçoit avec clarté quelque chose qui est mauvais, qui est nuisible, qui abaisse, qui alourdit, puis moins on est intéressé à être imprégné par ça, d'où le fait que quelqu'un qui évolue en conscience devient de plus en plus sélectif par rapport au personnage qu'il va interpréter ou par rapport au texte dont il va faire la transcription ou même la traduction. Donc, la sélectivité et le discernement s'installent à mesure que la vibration se rehausse et qui permet de voir les failles de la vibration de certaines personnes, leur astralité et ainsi de suite. Donc, c'est ce qui va terminer cet enregistrement qui portait sur la transcription de nature vibratoire qui peut être faite, bien entendu, et qui peut avoir son utilité.